pas tout compris quand on m'a dit, quand on m'a dit que malgré tout cela je n'existais pas, que le monde tournerait aussi bien sans moi, qui ai trop d'appétit, qui mord à pleine dans la vie. Une vie en dents de scie, si abondante d'envie. Je veux vivre ailleurs, dans un monde meilleur. J'ai pas tout compris quand on m'a dit, quand on m'a dit qu'il fallait que je marche comme un soldat, que le plomb dans ma tête entre ramer. J'ai peur de ne pas m'en sortir et qu'on me dise sort et puis tire. Et si tel est mon sort, ni une ni deux, je veux dire. Dans un monde meilleur, je me tire ailleurs. Dans un monde meilleur, j'ai pas tout compris quand on m'a dit, quand on m'a dit que sur terre il n'y avait plus de place, que certains seraient bien mieux plus bas. Gardons les pieds sur terre, fermez cette idéologie. D'être à terre, une idée de génie. Je me tire ailleurs, dans un monde meilleur. Je me tire ailleurs, dans un monde meilleur. J'ai pas tout compris quand on m'a dit, quand on m'a dit, engage-toi et tu verras ce que c'est le combat. Moi qui me bats contre les cons à force de prendre des coups bas, je préfère passer le balcon, aller en contrebas.